Non, moi, tout ça, moi, ça me déprime quand je vois qu'il n'y a plus de chaussures, bientôt le ketchup. Là, je vais me taper une bonne rechta, la chenchla, et puis tout va aller mieux. Une Karentika. Non, non, rechta, moi, depuis. Rechta, Google, rechta. Rechta. Mais après, par rapport au prix du pétrole, ils ont baissé, enfin, ils sont autour d'entre 80 et 90 $, là. Attends, Altis, tu viens, tu parles comme ça. Est-ce que tu as déjà mangé une rechta dans ta vie Non, déjà? non, je... Tu sais ce que c'est? Non. Ça va être un truc dégueulasse, je sais pas. Alors, tu prends un poulet, tu le fais mordre par un zombie dans Walking Dead, tu lui prends les cuisses et tu les mets sur une espèce de plat de vermicelle avec des patates. Enfin, des patates bizarres. Hein. Et tu obtiens une jolie rechta. Et si possible, tu la manges à Hrenchla. Donc tu. C'est vrai que le ben ou haro, je les fermenter en français là. Est-ce que c'est vrai que chez eux c'est aussi du lait en poudre? Est-ce que ça ils le font vraiment, enfin, c'est liquide ou est-ce que c'est aussi une poudre qui mélange Oh là, déjà tu te Ils fous la de ma font gueule. monter, ils la font monter au mixeur en fait. Non, mais déjà tu te C'est fous de une notre sorte de gueule. Mais... milkshake, Non, non, mais bref. il se fout de notre gueule. Là. Il n'y a pas de lait frais. Le gars il vient nous parler de lait fermenté. Tu t'es cru toi. T'es déjà pas là au degré zéro. Tu veux aller déjà au degré 1. Après tu vas me dire quoi? Il y a du fromage. Ça va pas quoi. Si t'as pas de lait frais, t'as rien, c'est T'es trop fini. drôle. Non mais je comprends pas ta logique. T'as pas de lait frais, ça fait Salina, quoi. Game over. Ah, c'est terrible. Oh, t'as googlé ou pas, Rechta? Ouais. On parle de crème fraîche et de trucs comme ça. C'est une Oh, blague. qui a googlé, Rechta? Ah, parce que je vois personne là, qui s'y connaît, ça m'énerve. Vous connaissez rien en gastronomie raffinée. M'énerve ça. C'est la gastronomie. Je crois qu'on n'est pas intéressé en fait. Qui sait ce que c'est une Rechta? Oh, Ron, viens sauver l'affaire, parce que là, j'ai affaire à des débutants. C'est catastrophique. Rastafras. Rechta, Rechta, Oui, tu Recha. as rachta d'iel char et rachta d'iel mekla. Alors, qu'est-ce que t'en penses? C'est joli? À voir. C'est exquis. Tu peux me décrire? Attends, je suis en train de faire le logo d'iel Moroccan Patriot. Non, mais moi, en fait, moi, je retire tout ce que j'ai dit sur la cuisine algérienne parce que je disais qu'ils n'avaient pas de cuisine. En fait, ils en ont une. En fait, ils ont une histoire, ils ont une cuisine. En fait, ils ont tout, mais c'est de la merde. Par contre, je pense pas qu'on puisse appeler ça cuisine, hein. Sincèrement. Non, c'est de la maçonnerie. Non, mais ils sont tout contents, tu sais, tu vois, des fois, des DZ, ils sont là. Ouais, je vais me taper une bonne rachta, tu vois. Tu sais, c'est comme toi quand tu tapes une bonne marca, tu vois. Eux, tu vois l'assiette, tu dis, mais attends, c'est quoi ce truc? Ah non, c'est. En C'est fait, des nouilles agrémentées, en fait, c'est ça? c'est comme quand ils parlent du caftan avec le caracou, ou alors du zelige qui compare ça avec leur carrelage IKEA de merde, à Non mais Saint-Dinard, attends, attendez les gars, Andrejta, mais je crois qu'il y a des gens qui n'ont pas compris ce que c'est. Déjà Garantita, déjà c'est choquant, parce que c'est un ramassis de bails de patates pourries. Limite t'as vomi quelque chose. Et là, Rechta, c'est genre un plat, genre tagine chez eux, là, les gars. Là. Je sais pas si vous réalisez, quoi. Rechta, Oui, mais c'est. c'est à base de nouilles. J'ai regardé là. Mais c'est dégueulasse! C'est une espèce de bouillie avec des cuisses. Vous avez vu la Blanche. tête de. Non mais. Sauce? Attends, qu'est-ce que t'as dit, sauce? Non, non, c'est un poulet zombie. C'est vraiment un poulet comme Non, ça. mais en fait, t'en as avec viande et t'en as sans viande. Ah non mais. Limite, il vaudrait mieux sans viande. Franchement, parce que quand je vois la tête des cuisses de poulet blanchâtre, putain, mais cette couleur blanche luisante là, ça me hante la nuit là. Cuisine algérienne, elle fait peur, hein. C'est une cuisine d'Halloween. Ils sont tout contents, ils sautent comme des cabris là. Ouais, je vais me taper une rechta de Khenchla. C'est vrai que souvent dans leurs plats, on a l'impression que c'est pas cuit en fait. La viande et tout. Voilà. Enfin, t'as remarqué, je veux dire, c'était pas difficile. Ouais, non, non, j'ai vu. Ouais. Alors, non seulement t'as l'impression que c'est pas cuit, mais t'as l'impression qu'il n'y a pas de couleur, que t'es, c'est, c'est... c'est jaunâtre, c'est blanchâtre, c'est maigre, tu vois, tu vois rien, quoi. Tu as l'impression, mais les gars, mais c'est quoi cette assiette, quoi? C'est fade, quoi, y a rien. Et puis même quand il y a rien, ils savent pas soigner l'assiette. Je te donne un exemple. Le plat Sfa marocain. Vous connaissez tous, hein, un classique. Alors, on considère que c'est un dessert, enfin c'est plutôt en deuxième partie ou en troisième. En général, c'est après Djedj Mahammar et après la Hattajou, Stella. Tu le fais en troisième position avant le dessert fruité, avant les fruits. Vous savez ces soirées marocaines où cinq mi-temps. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a que les Italiens qui sont proches de nous. Si vous allez dans une bonne famille italienne en Italie, vous avez antipasti, formi, pasti. Vous avez, je pense, la salade et deux plats de résistance et le dessert. À ma connaissance, il n'y a que les Italiens et les Chinois qui nous matchent. T'as les Chinois, ils ont deux ou trois plats de résistance. Enfin, nous, déjà, c'est quand tu tapes tagine, pstella ou sfa. Mais même sfa, franchement, vous prenez. C'est magnifique. C'est une pyramide, cannelle. C'est simple, mais c'est soigné. Même un truc simple, ils n'arrivent même pas à soigner. Putain de merde. C'est vraiment des primitifs. Et ils viennent nous parler de là. Ouais, vous avez volé, là. Oh, volé quoi? Vous n'êtes même pas à la cuisine préhistorique. Même un homme de Néandertal est cuisiné mieux que moi. En tout cas, la bouffe, c'est toujours un vrai sujet chez toi, en ça. Non, parce que c'est là, je vois des photos en ce moment. Tu devrais faire un bouquin, en fait. J'ai vu des photos. Après, je pense que l'erreur que tu fais, c'est comparer avec la cuisine marocaine. Non, mais c'est eux, c'est pas moi. Je ne me compare pas. Moi, je compare la cuisine marocaine à des cuisines qui en valent la peine. Des plats français ou italiens ou chinois. Je suis prêt à comparer. Pourquoi pas? Parce qu'il y a quand même un background historique.